Et c'est Killer Frost dans mon 59 ambiance boy. Killer Frost. Je débarque sur le beat. Les langues de pute sur ma bite. Ici du rap sans limite. Y'a que des risques avec la vie. Des derbois entre flics. Des Thelma stationnés en double fil. Nicki moche pour moi c'est impossible. Donc pour une fois je me défile. Des mélanges avec des putes qui te sucent avec leur douce langue. Ils veulent comparer mon beurre avec leur style de connard. Leur démarche de canard. Leur public qui se compare à mon entourage. Donc je les rappelle, je les laisse minables. Pour un jet de pierre, ils négocient en jouant leur jeu préféré. Le sous-table, ils veulent débrailler, c'est parti pour la démarche. Et ça a l'air nous sur mon toit. Je saute comme Mohamed Mera. Je viens faire du buzz. Aidez-moi, aidez-moi. Tu veux savoir où j'habite? Je suis à côté de chez toi. Et si tu me critiques, je serai devant toi. La devise marche ou crève. Bon, chez moi, je te coupe tes pas. Je te crache dessus et je te crève sur une marche. Tu étais mon pote car aujourd'hui tu m'as déçu. Les coups que tu m'as voir, c'est les coups que tu m'as reçus. Tant que toi tu pleures, ben moi sous ta tombe je m'amuse. Tes cris, tes pleurs, c'est ma muse. Et si ça peut te rassurer pour te faire oublier, je vais bavurer ta meuf de ma plus belle signature. Cette lettre, c'est pas une mise à jour, mais c'est ma plus belle des ruptures.